Molt bé, efectivament, música. Música que ens arriba ara mateix i que ho fa en francès a partir dels propers minuts. Així ens acostarem nosaltres a la música en diferents formats, estils i generacions amb el programa d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem avui la música amb aquesta veu tan exquisida que ens acompanya. Mireu quina música. À l'heure où les mots ont perdu valeur et rôle, l'émotion a pris le relais. Faut voir la gueule des héros. Liberté, égalité, fraternité, mon cul sur la commode. Leur haleine s'entend le mensonge et la démagogie m'accommode. Une seule race, la race humaine, je veux pas te vexer. Mais une fois dans le charter, que veux-tu que je fasse avec ça? L'amour ça paraît si simple, genre on s'aime et on kiffe. Conclusion, on cherche des poux, on se fait la guerre et on se quitte. Nos idoles jeunesse scandaient jusqu'à la mort, je reste vrai. Résultat, mon petit slogan n'était pas je reste frais, voyant tant de froc baisser et de veste retourner. La moralité, c'est le hip-hop qui se la mange dans le boulet. Avec des mots, on déclare sa flamme, on déclare la guerre, on déclame un texte, on déblatère. On ment à sa femme ou trahit son frère. C'est quoi, ça me gaffe, me dis pas que j'exagère. Parce qu'on disait les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Un monde si faux qu'ils ont fait croire aux gens bien qu'ils étaient fous. Quelque chose à redire, je t'écoute. C'est pas un sport de combat qu'il faut, mais un bon avocat pour éviter les coups. Le bon mot ou le mauvais, les belles paroles et les mots vrais. Les mots clés, les mots creux, les mots cris. Les mots que je crie, les mots que je crains, les mots que je crie. Le bon mot ou le mauvais, les belles paroles et les mots vrais. Les mots clés, les mots creux, les mots cris. Les mots que je crie, les mots que je crains, les mots que je crie. Parce que l'amour ne veut plus rien dire. Parce que je suis fou, parce que j'ai déjà fait trop de bêtises. Avec des mots exprimés à des sourds, en usant, les usant à outrance. Impossible de se rendre compte qu'on devient acteur de la propagande, de ce bruit qui court. Celui qui veut ma peau me retire le pouvoir du discours. Si une maladie m'emporte, faites qu'elle me laisse la parole jusqu'au bout. Un petit bout de papier, un stylo pour me libérer. Parce qu'on peut se croire sur homme rien qu'à les employer, les mots. Se balancer de droite à gauche, ceux qui engrainent et qui pourraient même blesser un homme. Ceux qui arborent à beau sourire mais te prennent à la gorge. On pense en très peu de mots mais les exprime en beaucoup trop de paroles. Chose dont on abuse réduisant le nombre de bons vivants. Je n'en fais bon usage que par le biais de bons gros sons vibrants. Grisant ce titre, je sais mais pas médisant. Eh, t'es menti-mensonge, coup M-dealer que c'est pas le genre de ta maison. Les gens font de l'argent en disant qu'ils en ont. Argumente la cohérence équipée d'une prose en béton. Danse piège, haha, on est tous béton. Car le plus fort à ce jeu l'emporte pour ça que nos contrées sont peuplées de moutons. Le bon mot ou le mauvais, les belles paroles et les mots vrais. Les mots clés, les mots creux, les mots cris. Les mots que je crie, les mots que je crains, les mots que je crie. Le bon mot ou le mauvais, les belles paroles et les mots vrais. Les mots clés, les mots creux, les mots cris. Les mots scrits, les mots scrins, les mots scrits. Vocabulaire explicite, pourtant tant de mots sont vidés de leur sens. Exit le fond quand la forme a pris les devants. Parce que dans toute situation, le choix du texte a son importance. Un mot peut en cacher un autre, la vérité déçoit si souvent. Discours politique navrant pour mauvaise conscience. Détournement textuel, manipulation si constante. Si les termes utilisés sont tels qu'on veut bien nous les apprendre. Pourquoi la paix devient-elle guerre lorsque l'on gratte les apparences? Quand un frère te dit je t'aime alors qu'il a le couteau sous les dents. Pourquoi dit-on la vie belle mais galère à vivre décemment? Pourquoi les types se disent humbles mais ne font que jouer les savants? Pourquoi les MC souhaitent l'unité mais en fait il s'avère que le mec te dit bonjour alors qu'il te souhaite le pire, te demande si ça va, vipère et sa langue à te dire salam, parler salement en te racontant des salades, user sa salive aiguisée comme le bout de salam. L'hypocrisie et l'égoïsme ont pris place dans notre quotidien. On adapte notre langage afin de faire passer le mal pour le bien ou l'inverse. Je ne sais plus, je suis perdu, j'en sais rien. Ce dont je suis sûr c'est que les mots n'ont plus de valeur, même les plus simples. Le bon mot ou le mauvais, les belles paroles et les mots vrais. Les mots clés, les mots creux, les mots cris. Les mots que je crie, les mots que je crains, les mots que je crie. Le bon mot ou le mauvais, les belles paroles et les mots vrais. Les mots clés, les mots creux, les mots cris. Les mots que je crie, les mots que je crains, les mots que je crie. Música rap per començar el nostre programa amb un àlbum anomenat Primeres Mesures, que amb Rashid ens aportava aquest tema i que amb la companyia de DCP n'escoltarem un altre, el Remis en Qüestió, que també ens arriba a nosaltres amb el programa d'avui. Estàs escoltant Hola La Music. Yo, trop de lignes, trop de ratures, j'ai pas la tête à rire. J'accuse tout ce qui m'entoure de vouloir détruire mon esprit. Ma tête comme le couloir qui mène à la chaise électrique. Plus le temps passe, plus ça pique, plus mon cerveau se raidit. Plus je respire, plus ça brûle. À ce qu'on m'a dit, c'est dû à ce que je fume. L'impression qu'on me persécute, à mon avis, c'est ça le plus dur. Je suis de plus en plus taré, et le pire, c'est que je l'assume. Je me sens sans cesse en danger, et y'a plus rien qui me rassure. Je mange mon tête à mélanger le trash du pur. Impossible que ça ne s'arrête, à moins que je ne me bute. Mais des faux fonds de moi, une pute, de la pire espèce, un horrible. Le larcène, la serre, mets un point avant que je ne hurle ma bulle. Si elle pète, je capitule. Vivrai comme porter une enclume que j'ai pas la force de soulever. Si je cède à mes pulsions, je serai enfin libéré. La caution d'une vie tachée est bien trop dure à assumer. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Tu liras dans mes yeux que j'ai bien compris l'enjeu. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdu. Remise en question. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Je ne débarque pas d'aujourd'hui, et quoi que t'en penses. Je capte en fait que c'est peine perdue. Mais je garde espoir et ça perdu. Remise en question. Je regarde ma Yves avec une vision objective. Moi mes objectifs, j'ai les nerfs à vif. Esquiver les garbois, les gardas ou même le carplat. C'est quoi cette vie là? Moi j'en veux pas. Je suis dissipé, j'essaye de pas me désister. Quel que soit le problème, je m'efforce juste de rester le même. On a tous nos faiblesses, nos peines, nos tristesses. Ici la maille n'a pas pris, oui, le bonheur n'a pas pris. Je dis son sur casse démon. Mes mots sont des démons. Hors de question que je me démonte. Une petite femme à aimer, on devrait tous s'en contenter. Mais c'est le blé qui régit aujourd'hui notre société. Y'a plus de chaleur humaine, regarde où ça nous mène. Une boule de haine greffée dans mon abdomen. Ulcéré, du mal à avancer, réaliser mes projets. C'est pas demain la veille, en réalité je suis migréné dès le réveil. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Tu liras dans mes yeux que j'ai bien compris l'enjeu. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdure. Remise en question. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Je ne débarque pas d'aujourd'hui, et quoi que t'en penses. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdure. Remise en question. Je fais le tour de mes songes, beaucoup de mal être à l'intérieur. Tellement de choses qui me rongent, même si rien n'y paraît vu de l'extérieur. 28 piges que je traîne mes godasses dans cette putain de vie. L'impression de faire du surplace, j'en ai peur pour l'avenir. Le vertige t'emplace, je suis impuissant face à ce putain de vide. Peur que le passé me rattrape, redoute les moments à venir. Je respire cet air impur pollué par toutes mes conneries. Que Dieu me pardonne pour mes péchés, face de moi un repenti. Sur les chemins de la dignité, je serai son apprenti. Combattrai les obstacles afin que le chétan n'ait plus le sourire. Putain, travaille sur moi-même afin d'éviter le pire. Fini les excuses car je peux pas croire que c'est du père. Je travaillerai chaque jour pour assumer chaque peine. Car je sais que la vie vaut le coup et pour ça faut que je me démène. Faut surtout pas que je me débine et c'est pour ça que je déballe. Ma remise en question, le plus dur des tafs pour un homme. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Tu liras dans mes yeux que j'ai bien compris l'enjeu. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdure. Remise en question. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Je ne débarque pas d'aujourd'hui, et quoi que t'en penses. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdure. Remise en question. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Tu liras dans mes yeux que j'ai bien compris l'enjeu. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdure. Remise en question. Je garde en tête que j'ai les défauts, je me bats contre mes démons. Je ne débarque pas d'aujourd'hui, et quoi que t'en penses. Je capte en fait que c'est peine perdue, mais je garde espoir et ça perdure. Remise en question. La música, la companyia i tot el que vosaltres vulgueu al costat d'Esperanza, que ens portaven aquestes peces, una en Quem i l'altra en Dissipei. D'aquesta manera hem repassat aquest món de la música, del que també és un estil musical i en francès, el hip-hop, el rap, i ben conegut i de molt d'èxit arreu del món. Ara és el torn del nostre company Àngel Rodríguez, que ens faci la presentació del seu tema per al dia d'avui. Benvingut, Àngel. Amic Rafael, deixa'm avui tenir la llicència per considerar cançó francesa aquell cantant francès, però que canta en anglès. Es tracta de Christoph Wilhelm, nascut el 1983, que l'any 2006 va guanyar una mena de La Voz de la televisió francesa. El programa es deia Nouvelle Star. Christoph actualment triomfa amb cançons pròpies, però durant un temps es va fer famós també per versionar cançons exitoses. Fixeu-vos de quina manera va versionar l'any 2006 la cançó Stayin' Alive dels Bee Gees en el programa Nouvelle Star. Us recomano que pugeu el volum. En tots vosaltres, Christoph Wilhelm, Stayin' Alive. Lost my walk, I'm the warmest man. The town of Dover, beauty cloud, they grim as one that they've kept around. So someone's born, and I'm so alright. It's okay, I live to see another day. Make you try to understand the New York Times effect on me. Whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody saying that we're staying alive, staying alive. Hi, hi, hi. Try, but I read on F and on my suit, I'm a dancing man. I just can't look and I'm so right. It's okay, I live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on me. Whether you're a brother, you're ready, you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city begging and everybody thinking that we're staying alive, staying alive. Christoph Wilhelm amb aquesta peça que ens portava, acceptada la llicència Àngel, per una vegada no passa absolutament res. Una vegada. Era la música que ens portava amb aquest tema que recordàvem, aquest Stayin' Alive, cantant-lo, com ha dit ell, des d'aquest Nouvelle Star, el programa televisiu, on va donar-se a conèixer d'una manera excepcional aquest intèrpret. Seguim amb la música i seguim amb un bon protagonista que ens va deixar, però que ens queda la seva música. Avui recordem també a Johnny Hallyday. C'est fini, oh, oh, oh, oh. ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui. Et je te crie, oh, oh, oh, oh. Je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Il ne faut plus en douter, il faut essayer. Noir, c'est noir, il n'est jamais trop tard. Pour moi, du gris, je n'en peux plus dans ma vie. Oh, oh, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Noir, c'est noir, il me reste l'espoir. Oui, gris, c'est gris, je ne veux plus d'ennui. Oh, oh, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Johnny Hallyday, el personatge que avui recordem, ja ho hem fet més d'una vegada amb el nostre programa, nascut a París el 15 de juny de 1943 i que ens deixava el 5 de desembre de 2017 a l'edat de 74 anys i a causa de complicacions d'un càncer de pulmó moria a Marne La Coquette, el mal nom de Jean-Philippe Smet, cantant de rock francès, considerat com una icona en el món francòfon des dels inicis de la seva carrera. Per alguns és nomenat l'equivalent francès de l'Elvis Presley. Ha estat una de les estrelles de més renom a França. La seva carrera es va perllongar durant 57 anys, mantenint-se la major part del temps al primer pla. Va vendre 110 milions d'àlbums, sent premiat amb 5 discs de diamants, 40 discos d'or, 22 discos de platí i 10 victòries de la música. Va actuar durant 29 milions d'espectadors en no menys de 3.000 concerts a França i 253 a l'estranger, inclosos 30 al Canadà, 24 als Estats Units i desenes a Àfrica. En total, Johnny Hallyday va enregistrar 79 àlbums, 50 dels quals àlbums d'estudi i 165 senzills. Just abans de morir, estava treballant en el seu àlbum d'estudi número 51. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à mon creux. ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Tu de la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Especialitzat en la dècada de 1950 en adaptar al francès cançons de famosos artistes com Jean Vincent, Eddie Cochran o Elvis Presley, a la dècada dels 60 va començar a treure discos propis. El 2006 va realitzar dos duets amb la cantant italiana Laura Pausini en les cançons La Loi du Silence durant un concert d'ell i Com Is Sol a l'Improviso per la versió italiana del disc Io Canto de la Laura. Ha col·laborat també amb Loquillo amb el seu àlbum Valmoral del 2008 participant amb el tema Cruzando el Paraíso. Va participar com a actor en diferents pel·lícules com Les Diabòliques de Henry George Clouzot, Where Are You From Johnny, detectit de Jean-Luc Godard o Consell de Família de Costa Gavras. També va actuar a la sèrie David Lansky a la segona cadena de televisió francesa L'Antena 2. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu classes mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. La nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Dix ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place, oui ma place. Aquest, repàs el tanquem amb Johnny Hallyday plorant la seva mort als 74 anys d'edat. Rock and Roll Attitude és el darrer tema que escoltem amb el programa d'avui d'aquest gran personatge. Tu me fais craquer. C'est encore de la dernière pluie que je veux être né. La mort lui fait des kidneys. L'amour qui pas décidé, je veux encore essayer. Mais toi lutte pour écrire ton histoire. Lutte pour garder ta mémoire et pour garder en toi une marque et mon attitude. Ne reste pas chez toi avec tes certitudes. Quelle mauvaise attitude. Si l'été est trop lourd, si l'hiver est trop rude. Lutte contre la vie que tu mènes. Lutte pour la musique que tu aimes et que tu gardes en toi. Rire. Rire de toutes ces nuits. Hola, la música, us portem la música en francès per a totes les generacions. No ens aturem mai ni amb un sol estil, ni tampoc amb el que es va produir en una època determinada. Ens encanta la música del record, però també la música més actual. I avui em penso que el nostre col·laborador habitual de cada setmana, que és molt especial per nosaltres, en Ciril Torres, ens porta una barreja de dues coses amb el programa d'avui, la qual cosa sempre és d'agrair. Hola Rafael, hola a tothom i gràcies doncs, per permetre'm. Efectivament, avui jo diria que us porto una gambarrada. I... Bueno, no comencem, que haurem de tancar el programa. Les gambarrades musicals. Doncs, són bones aquestes. Són bones. A mi m'agrada efectivament remenar i m'agrada, doncs, m'agraden les versions, a més, per tot el que permeten de descobrir i de relectura. En aquest cas agafem un dels grans icones de la música francesa, una veu que segurament heu sentit moltíssim en aquest programa i fora d'aquest també, perquè és, com us deia, un dels grans referents de la cançó francesa, Edith Piaf, el monstre, la gran dama o la gran dama del carrer francès. En aquest cas, com us deia, una gambarrada, perquè és amb, són aquestes remescles que fan les noves generacions i que, doncs, a vegades investiguen i bossegen i recuperen, doncs, gent com l'Edith Piaf en versió, doncs, molt electrònica. Anem a sentir Milord d'Edith Piaf. Thank you. l'embarrada musical excepcional que ens ha portat en Cyril Torres amb el programa d'avui, aquest Milord amb Edith Piaf i el remix que ens conduïen amb aquesta edició de la seva cançó. Bé, segona part del nostre programa, ja sobrepassat amb una mica més de la meitat, és un programa més eclèctic, amb intèrprets variats, dels quals triem alguna de les seves cançons. Comencem amb un cantautor italo-belga de fama internacional, nascut el 1943. El cantant nascut a Sicília, l'1 de novembre d'aquell any. Salvatore Adamo amb La Nuit, una cançó que canta al costat de Jeanette Sherhal. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit tu m'apparais immense, je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou, je deviens fou, et puis ton rire fend le noir. Je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me narguer. Chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Le jour d'ici ton image, et tu repars je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je més moderns amb el nostre programa i amb la companyia d'Amir, que ens aporta aquest disc que va publicar A Cor de Moi, i amb cançons fantàstiques com podien trobar-les, peces realment exquisides, amb un disc que ara mateix us recordarem. També un disc que porta aquest Je Reviendré. Si mes rêves sont ailleurs, je suis prêt à m'en aller pour aller chercher ce destin qui me ressemble. Je n'ai jamais eu peur de changer, de voyager. 100 fois j'ai traversé des routes, des ponts qui tremblent. J'ai beau parcourir le monde, tous mes chemins mènent à toi. Il y a 1000 étoiles, mais au-dessus un seul ciel. J'ai beau parcourir le monde, mais mon seul pays c'est toi. Même loin de tes yeux, je serai toujours fidèle. Je reviendrai comme mon plonge. Enfin dans le bain de la vie, je te enfin tes bras. Je suis allé si loin pour trouver la liberté, là où ne vivent que le chagrin et le silence. Silence. Sans peur du lendemain, j'ai reçu comme j'ai donné. J'ai perdu souvent, mais j'ai retenté ma chance. J'ai beau parcourir le monde, je ne vois qu'un seul visage. Il y a mille étoiles et pourtant je ne vois qu'elle. J'ai beau parcourir le monde, elle est mon seul paysage. Une voix qui s'élève et vient chanter l'essentiel. Je reviendrai comme mon plonge. Enfin dans le bain de la vie, je te vois. Enfin tes bras. Je prendrai tous les tournants, tous les tourments pour te revenir. Et sans attendre mon tour, je prendrai tous les détours, puisqu'il y a l'amour à bâtir. Je reviendrai comme mon plonge. Enfin dans le bain de la vie, je te vois même dans mes songes. Comme le jour cherche la nuit, je trouverai enfin tes bras. Je reviendrai comme mon plonge. Enfin dans le bain de la vie, je te vois même dans mes songes. Comme le jour cherche la nuit. La Music, en grans noms de sempre, també amb el nostre programa, el compositor, cantant, poeta, novel·lista i director d'orquestra natural de Mònaco, és en Léo Ferré, que ens acompanyarà avui també al programa, amb La Màfia, de l'àlbum del 1960, que va publicar. I després François Hardy, també amb una de les seves cançons. Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de sourdine, deux sous de combine, et t'avais ton rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça indispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traînant tes rengaines le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia. Avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale,

Pour moi rien n'a vraiment changé, je n'ai pas cessé de t'aimer, car tu as toujours tout le charme que tu avais ce jour béni, où devant Dieu tu as dit oui, avec des yeux baignés de larmes. Le printemps passe et puis l'été, mais l'automne a des joies cachées qu'il te faut découvrir toi-même. Oublie la cruauté du temps et rappelle-toi qu'à 20 ans, il te suffisait que je t'aime.